السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم إلى يوم الدين. أما بعد، ceux qui n'ont pas eu le livre, pouvez vous servir. Pour ceux qui n'ont pas eu le livre, pouvez vous servir. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الذبح لغير الله. Donc nous entrons dans le chapitre numéro 9, le chapitre concernant l'égorgement pour autre qu'Allah. Le chapitre concernant l'égorgement pour autre qu'Allah. أي من الوعيد الشديد وبيان حكم ذلك وأنه شرك بالله العظيم. Donc le chapitre concernant l'égorgement pour autre qu'Allah et les choses qui sont venues, c'est-à-dire comme menace, comme jugement. Et bien évidemment, c'est du polythéisme. لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحكم في ترجمته بل ذكر الأدلة دون الحكم. Ici, on remarque que l'auteur, رحمه الله تعالى, n'a pas cité le jugement de cette action. Il n'a pas dit, fait partie du polythéisme, le fait d'égorger pour un autre qu'Allah. Il a donc cité les preuves sans citer le jugement. Et en général, lorsque les savants font cela, c'est parce que la question doit être traitée et que selon la situation, il y aura un jugement particulier. فإذا كان في المسألة تفصيلا ترى أهل العلم لا يذكرون الحكم بل يفصلون ما يجزم أحدهم بالحكم بل ولكن عفوا ولكن هنا ليس من هذا الباب بل أراد أن يمرن الطالب على أخذ الحكم من الدليل وهذا نوع من التربية العلمية كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. Ici l'auteur n'a pas cité le jugement. C'est comme pour entraîner l'étudiant à prendre le jugement des textes religieux. Il a donc cité des preuves du Coran et de la Sunna afin que l'on tire ensemble le jugement. Et ainsi, il éduque l'étudiant. Comme a dit Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, الذبح لغة هو القطع وشرعا إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه مخصوص. Donc الذبح, c'est une adoration. Dans la langue arabe, cela signifie couper. Et religieusement parlant, c'est le fait d'ôter l'âme d'une bête en faisant couler son sang d'une manière particulière. D'une manière particulière. L'auteur nous dit, مَا جَاءَ فِي الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ هَذَا عَمْ لِغَيْرِ اللَّهِ سَوَاءً ذَبَحَ لِي للولي أو للجن أو لنبي أو لغير ذلك الحكم عام. Donc, l'auteur nous dit, pour autre qu'Allah, ceci est général, qu'il égorge pour un prophète, qu'il égorge pour un djinn, qu'il égorge pour un arbre, quelle que soit la chose pour laquelle il égorge, cela aura le même jugement que nous allons citer, incha'Allah ta'ala. لغير الله أي قاصدا غير الله سبحانه وتعالى تقربا بهذا الذبح إلى غيره. مناسبة الباب لكتاب التوحيد في بيان نوع من أنواع الشرك الذي يضاد التوحيد. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce chapitre dans son livre Kitab al-Tawhid? Car le fait d'égorger pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala une bête est une forme de polythéisme. Est une forme de polythéisme. Et cela contredit l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma munasabatul bab lima qabla. Qulna inna hadhil abwab. Mimma yufassiru at-tawhid. Mimma tufassiru at-tawhid. Imma bihaddiha ou bididdiha. فبدأ بالشرك الأصغر تمائم الاعتقاد لضعف الشبهة ثم ترقى إلى الأكبر الجلي. Quel est le lien qu'il y a entre ce chapitre et les chapitres passés? Comme nous avons cité auparavant, tous les chapitres qui vont suivre entrent dans l'explication du tawhid. Tous les chapitres qui vont suivre entrent dans l'explication du tawhid. L'auteur a commencé par expliquer le polythéisme mineur avec les talismans, les amulettes, car l'ambiguïté est facile à dissiper. Puis, il est passé au polythéisme qui est plus grave que cela, qui entre dans le shirk akbar et qui est apparent. Comme ici, al-dhabh li ghayrillah. الذبح عبادة بل من أعظم العبادات. Sachez que le fait d'égorger une bête pour Allah tabaraka wa ta'ala à la recherche de son agrément fait partie des meilleures adorations, des meilleures actions qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. هذه العبادة تجمع التعظيم لله وإظهار الافتقار إليه وحسن الظن به وإنفاق المال في سبيله والرغبة والرهبة. Cette adoration, lorsque la personne la met en pratique, il accomplit par la même occasion une multitude d'adorations qui plaît à Allah tabaraka wa ta'ala. En faisant ceci, il immensifie Allah tabaraka wa ta'ala. En faisant ceci, il se montre besogneux devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il montre qu'il a confiance en Allah tabaraka wa ta'ala et qu'il espère de lui qu'il accepte cette adoration. Il dépense de son argent fi sabilillah. Il montre son amour et sa crainte. Donc lorsqu'il égorge une bête pour Allah tabaraka wa ta'ala, il réalise par la même occasion de nombreuses adorations. Wa dalilu aw al adillah التي تبين لنا أن الذبح عبادة كثيرة منها أن الله سبحانه وتعالى أمر به منها أن الله سبحانه وتعالى قرن بينه وبين الصلاة منها أن الله سبحانه وتعالى بين أن من صرفه لغيره فهو مشرك إلى غير ذلك من الأدلة. Démontrons ici que le sacrifice, égorger une bête pour Allah, est une adoration. Nous avions vu dans l'étude, durant l'étude de Al-Usul al-Thalatha, comment reconnaître qu'une action, une chose, est une adoration. Qu'est-ce qui nous rappelle ceci? L'ordre d'Allah. Lorsqu'Allah ordonne une chose, c'est qu'il l'aime et l'agrée. Ça entre donc dans la définition de l'adoration. Là, c'est pas ça la question. Si Allah subhanahu wa ta'ala nous informe d'une récompense qui découle d'une action. Tafaddalad. Allah karamak, subhanallah. Si Allah subhanahu wa ta'ala fait l'éloge de celui qui fait telle action. Barakallahu fik. Bourika fik. Naam. Khalas. Lorsqu'Allah rattache une action à sa science. Ma'at tafsil. Ça viendra dans le chapitre suivant ou dans après celui qui suit plutôt. Ala kulli hal, ici, nous avons des preuves dans le Coran qu'Allah a ordonné de sacrifier. Il nous dit, fasalli li rabbika wanhar. Allah nous ordonne de sacrifier. C'est donc qu'il aime cette action. Et tout ce qu'Allah ordonne dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ce qu'il aime et l'agrée, c'est donc une adoration. Wadah. Allah subhanahu wa ta'ala a aussi cité le sacrifice à côté de la prière, qui est une des plus grandes adorations. Ceci est un signe. Dans une autre sourate, il nous montre que le sacrifice est une chose qui lui revient de droit exclusivement. C'est donc le droit d'Allah, ses serviteurs, c'est l'adoration. Et nous allons voir ceci dans les deux versets qu'on citera, Inch'Allah ta'ala. إِذَا تَقَرَّرَ ذَلِكَ عَلِمْنَا أَنَّ مَنْ صَرَفَ الذَّبْحَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ وَقَعَ فِي الشِّرْكِ الْأَكْبَرِ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Celui qui a compris ça, c'est maintenant que celui qui égorge pour un autre qu'Allah est tombé dans le polythéisme majeur. Car donner une adoration, et l'adoration et le droit d'Allah sur ses serviteurs à un autre que lui, c'est du shirk akbar. Après avoir démontré que al-dhabh est une adoration, on comprend que celui qui égorge pour un autre qu'Allah Azza wa Jal une bête sera tombé dans le polythéisme majeur. Suwar al-dhabh. Il y a plusieurs situations pour la personne qui égorge. Premièrement, man dhabaha bismillah lillah. Celui qui égorge au nom d'Allah pour Allah. Car, avant d'entrer dans cela, sache que dans cette question, al-dhabh, tu regardes deux choses. Dans cette question qui est al-dhabh, fi mas'alati al-dhabh, tanzur ila amrayn, al-ihlal wa at-taqarrub. Al-ihlal, c'est tasmiya, c'est le fait de dire bismillah. Et at-taqarrub, c'est pour qui ou pour te rapprocher de qui ou de quoi est-ce que tu sacrifies. Donc notre étude porte sur ces deux points. Au nom de qui tu égorges la bête et pour te rapprocher de qui tu as égorgé cette bête. Donc il y a plusieurs situations. Premièrement, al-dhabhu bismillah wa lillah. Hada tawhidun. جمع بين الاستعانة والتقرب إليه كما قال الله إياك نعبد وإياك نستعين. Premièrement, celui qui égorge une bête au nom d'Allah, ça veut dire qu'il dit bismillah, et pour Allah, c'est-à-dire qu'il recherche à se rapprocher d'Allah. Il adore Allah Azza wa Jal à travers ce geste. Cette personne a concrétisé le tawhid. Il a demandé l'aide à Allah, car lorsque tu dis bismillah, le bas c'est ba'ul isti'ana, c'est le bas de la demande d'aide. Donc il a cherché l'aide auprès d'Allah, et il s'est rapproché avec cette action, par cette action d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voici le tawhid. Et c'est ainsi que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith, عند أبي داود, قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذبحه, اللهم هذا منك وإليك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر. Donc dans ce cas-là, الذبح sera une obéissance d'Allah Azza wa Jal, une ta'a. Comme par exemple dans l'udhiya, comme dans l'aqiqa, la bête que tu égorges suite à une naissance, comme dans l'hadi, la bête que tu égorges durant les jours du hajj, comme lorsque tu fais un nadr, un vœu. Deuxième cas, al-dhabhu bismillah li ghayrillah. La deuxième situation, c'est celui qui égorge au nom d'Allah, mais pour un autre qu'Allah. Donc lorsqu'il égorge la bête, il dit bismillah. Mais pour qu'est-ce qu'il a égorgé cette bête? Pour se rapprocher de qui? D'autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Hada shirkun akbar. Hada shirkun fi al-ibadah. La personne qui fait ça est tombée dans le polythéisme majeur. Elle a donné un associé à Allah Azza wa Jalla, un égal à Allah tabaraka wa ta'ala dans le culte, dans l'adoration. À l'image de celui qui, lorsqu'il entre dans une nouvelle maison, a peur des shayatines et des djinns. Alors, il prend un mouton, il le ramène chez lui dans cette nouvelle maison, mais il a honte de prononcer le nom d'un autre qu'Allah Azza wa Jal. Alors il dit Bismillah, mais il égorge pour le chef des djinns, afin d'être préservé de l'attaque des djinns. Quel est le jugement de cette action? C'est du shirk akbar, c'est du polythéisme majeur. La personne qui fait cela, elle sort de l'islam. Subhanallah. Égorger une bête pour un autre qu'Allah Azza wa Jal, pour un djinn, pour être préservé dans sa maison qu'Allah Azza wa Jal lui a offert. Quel manque de reconnaissance. Il suffisait à cette personne de dire « A'udhu bi kalimatillahi tamma min sharri ma khalaq. » Je cherche refuge auprès des paroles parfaites d'Allah. Ou je cherche refuge auprès d'Allah. Ou plutôt de ses paroles parfaites. Contre le mal de ce qu'il a créé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Celui qui rentre dans un endroit et dit cette parole, il sera préservé tant qu'il y sera. » Donc la personne qui égorge, même en disant Bismillah, mais pour un autre qu'Allah, la recherche de l'agrément d'un autre qu'Allah, Azza wa Jal, aura commis un acte de polythéisme majeur. Un autre exemple. الذين يذبحون في حضرة الملوك والعظماء والسلطان فعند مروره في القرية يذبحون ويرقون الدماء أمامه تعظيما له هذا يدخل في هذا والعياذ بالله في الشرك الأكبر لأنه عظمه كما عظمه الله سبحانه وتعالى وذبح تقربا إليه. Une autre forme qui entre dans le deuxième cas, c'est ceux qui, lorsque le roi du pays, le gouverneur du pays ou une personne qui a une grande place dans ce pays, vient en visite dans ce village ou dans cette ville. Lors de son passage, des personnes préparent des bêtes, une vache, un chameau ou autre, et lorsqu'ils passent, ils égorgent la bête et font couler le sang devant cette personne. Ils font couler le sang de cette bête devant cette personne. Ils disent Bismillah et ils égorgent la bête pour témoigner de la grandeur de cette personne et pour l'immensifier. Ces gens-là ont égorgé pour un autre qu'Allah Azza wa Jal. Et s'ils avaient égorgé juste pour honorer leur hôte, alors il n'y aurait pas eu de mal dans cela. Mais le fait d'avoir fait couler le sang devant lui et d'avoir fait ça lors de son passage, ça montre qu'ils égorgent la bête pour lui. Ils égorgent la bête pour lui, et ceci est une forme de polythéisme. Wal'iyadu billah. Donc c'est également du polythéisme majeur. La troisième situation, le troisième cas de figure, yadbah bismi ghayrillah li ghayrillah. Yadbah bismi ghayrillah li ghayrillah. Le troisième cas, celui qui égorge au nom d'un autre qu'Allah, pour un autre qu'Allah. ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ. Ceci est pire encore. C'est du shirk akbar fi l'isti'ana wa fi l'ibada. C'est du polythéisme majeur dans la demande d'aide et dans l'adoration de manière générale. Quatrième situation, يذبح باسم غير الله لله. Il égorge au nom d'un autre qu'Allah, mais pour Allah. C'est une situation qui est, si elle existe, très rare. Mais les gens de science l'ont cité, alors je les cite. Donc il égorge en prononçant le nom d'un autre qu'Allah. Comme en prononçant par exemple le nom d'un prophète, ou bien le nom d'un djinn, ou d'autres. Et par cela, ce sacrifice, il veut se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est du shirk akbar fi rububiyya. Ceci est du polythéisme majeur fi rububiyya. La cinquième situation, yadhbah bismillah, lakin la yaqsud التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بل لغرض مباح كان قصد اللحم ليطعم به أهله وأولاده. La cinquième situation, c'est celui qui égorge au nom d'Allah, donc il dit Bismillah, mais il ne recherche pas à travers cette action le fait de se rapprocher d'Allah. Mais il égorge pour une chose qui est permise. Comme quoi, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on peut égorger? Pour nourrir la famille, pour manger. D'accord? Par exemple, pourquoi est-ce que tu t'es tanayoub? Pour ça au Maroc. Pour ça au Maroc, c'est un étonnant. Par exemple, en été. D'accord? Les gens ont pour habitude de faire quelque chose. Comme tu as dit. Je voulais pas le dire moi-même. Donc, ils prennent une bête. Ils l'égorgent, ils font cuire la viande et ils mangent. Ça? Quel est le jugement de cette action? Hada mubah, c'est permis. D'accord? C'est permis. Donc il a égorgé cette bête pour la viande, pour manger, pour nourrir sa famille, pour honorer ses invités, pour faire des sadaqat, pour nourrir des pauvres. Donc, dans cette situation, il y a du tawhid. Min jihati l'isti'ana, du fait qu'il a recherché l'aide auprès d'Allah lorsqu'il a dit Bismillah. Mais quel est le jugement de son action? C'est permis. D'accord? C'est permis. Cette viande est halal. Car il a dit Bismillah. Et la tasmiya, c'est un shart ou bien c'est wajib. Ça va en diverger sur l'une de ces deux paroles. Allah nous dit dans le Coran, وَلَا تَأْكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Donc la personne qui a dit Bismillah en égorgeant la bête, cette bête est halal. La viande qui est au McDonald's, quand elle égorge, ils disent Bismillah ou pas? Hein? Pourquoi est-ce que vous riez? On rigole pas. Est-ce qu'ils disent Bismillah lorsqu'ils égorgent la viande au McDonald's? Ils ne disent pas Bismillah. Hein? Naam. Puis l'auteur a cité deux versets. Wa qawlu Allah ta'ala, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La sharika lah al-ayat. Allah dit, la traduction dit, c'est-à-dire dit au messager d'Allah, en vérité, ma prière, mes actes de dévotion, on peut traduire par sacrifice, ma vie, ma mort, appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui, nul associé. Al-ayat, c'est-à-dire compléter les versets qui suivent. أمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يخاطب المشركين بذلك. Donc Allah Azza wa Jalla a dit à son messager, a ordonné à son messager de s'exprimer ainsi, d'adresser ses paroles aux associateurs. Ul inna salati, dis ma prière. Prière, c'est ce que nous faisons minimum 5 fois par jour. Wa nusuki, an nusuk luratan al ibadah. Comme ça a été traduit dans votre livre. Wa huna al murad al dhabh. كما قال بعض المفسرين وقيل العبادات وقيل العبادات. Donc le mot an-nusuk dans ce verset, c'est le sacrifice, le fait d'égorger une bête. C'est pour cela que l'auteur a cité ce verset ici. Wa mahyaya ay wa hayati wa mamati ay wa mawti ay hali fihima huma lillahi mulkan وتصرفا وتدبيرا وفي هذا إثبات توحيد الربوبية أما في قل إن صلاتي ونسكي في هذا إثبات توحيد الألوهية. Donc Allah dit en vérité ma prière, mes actes de dévotion, puis il dit ma vie et ma mort appartiennent à Allah. لله اللام هنا لما يتعلق بالصلاة والنسك هو لام الاستحقاق وإذا تعلق بالمحياء والممات هو لام الملك أو الملك. Donc dit en vérité ma prière, mes sacrifices reviennent de droit à Allah, car ce sont deux adorations. Et dit, en vérité, ma vie et ma mort appartiennent à Allah. C'est mon maître et celui qui décrète et décide de tout ce qui se passe dans ma vie. Et comment est-ce que je vais mourir? C'est lui qui gère toutes mes affaires, subhanahu wa ta'ala. C'est le Seigneur de l'univers. Ensuite, Allah nous dit « La sharika lah » à lui, nul associé. « Ay fi jami'il ibadat » dans l'ensemble des adorations. Et parmi ces adorations, « Al-dhabh » le sacrifice. Il n'a pas d'associé dans cela. « Wa bidhalika umirt » et c'est ce qui m'a été ordonné. « Ay al-ikhlas » c'est-à-dire la sincérité dans l'ensemble des adorations. Wa ibhamul fa'il huna min bab at-ta'zim wa at-tafkhim. Wa ana awwalul muslimin, et je suis le premier des musulmans. Et je suis le premier des soumis. Imma al-awwaliyya az-zamaniyya. Idhan bi nisbati ila ummati. وأول المسلمين من أمته إما الأولية المعنوية أي هو أعظم المسلمين إيمانا واستسلاما فبذلك يشمل جميع المسلمين من آدم إلى آخرهم. Et je suis le premier à me soumettre. Je suis le premier à me soumettre. Si c'est le premier de manière temporelle, on expliquera cela en disant c'est le premier de sa communauté à se soumettre. C'est compris? Le premier de sa communauté. Du moment où il a été envoyé en tant que prophète. Et si on dit que c'est dans le sens, c'est-à-dire que c'est le premier, le meilleur, et celui qui a eu la plus grande soumission. Dans ce cas-là, c'est pas, ça englobe pas que les gens de sa communauté, mais toutes les créatures. Tous les hommes. De Adam alayhi salam jusqu'au dernier, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est d'entre eux le meilleur musulman. Celui qui a la plus grande soumission, sallallahu alayhi wa sallam. Munasabatul ayati lilbab. Pourquoi est-ce que l'auteur a cité ce verset dans ce chapitre? Dallat ala anna adh-dhabha kas-salah la yastahiquhu illa Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur a cité ce verset dans ce chapitre car ce verset nous indique que le sacrifice, tout comme la prière, est le droit d'Allah Azza wa Jal sur ses serviteurs. Et que personne ne mérite qu'on sacrifie pour lui en dehors d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. وَدَلَّتْ أَيْضًا عَلَى أَنَّ مَنْ صَرَفَهُ لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكُ وَالشَّاهِدْ لَا شَرِيكَ لَهُ. Ce verset nous montre également que celui qui sacrifie une bête pour un autre qu'Allah, c'est un associateur. Car Allah a dit, il n'a nul associé dans cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui égorge pour un autre qu'Allah aura donné un associé à Allah Azza wa Jal dans l'adoration. وَجْوُدْ دِلَالَ لَمُ الْإِسْتِحْقَاقِ أَيْضًا قَرَنَ بَيْنَ الذَّبْحِ وَالصَّلَةِ وَأَيْضًا الشَّاهِدْ لَا شَرِيكَ لَهُ إِذًا صَرْفُهُ لِغَيْرِ اللَّهِ شِرْكٌ. أيضا مجيء التأكيد في الجمل الخبرية يفيد أن من خوطب بذلك منكر لهذا الأمر أو منزل منزلة المنكر له. إذا دلت الآية على أن المشركين هؤلاء أنكروا إفراد الله في الصلاة والذبح فدل على أن الذبح والصلاة يجب أن يكون لله وحده وهذا هو التوحيد. ما يستفاد من الآية. Ce qu'on peut tirer de ce verset. الذبح والصلاة عبادتان مستحقة لله. La prière et le sacrifice sont deux adorations qui reviennent de droit à Allah. مستحقتان لله. من صرفهما لغير الله فهو مشرك. Celui qui voue la prière ou le sacrifice à un autre qu'Allah est un polythéiste. فضل الذبح لأنه قرن بالصلاة. De ce verset, on tire la grande valeur de l'adoration qui est le sacrifice. Pourquoi? Car on connaît tous la valeur de la prière dans l'islam. Et Allah Azza wa Jal a cité à côté de la prière le sacrifice. Ça montre la grande valeur de cette adoration parmi les adorations. Et cela plus d'une fois dans le Coran. وجوب الإخلاص في جميع العبادات. On tire de ce verset l'obligation d'être sincère dans l'ensemble des adorations. العبادة التوقيفية الشاهد وبذلك أمرت. On tire de ce verset qu'on ne peut adorer Allah Azza wa Jal si ce n'est avec ce qu'il nous a légiféré. Donc la base, c'est que tu n'as pas le droit de faire l'adoration tant que tu n'as pas un texte. La base, c'est que tu n'as pas le droit de t'avancer dans une adoration tant que tu n'as pas un texte, le Coran ou de la Sunna. C'est ce qui signifie tawqifiyya. Aina tawqaf fi ithbatiha ala ma jaa fil kitab wa sunnah. D'où est-ce qu'on a tiré cela? De la parole d'Allah, وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ. Et c'est ce qui m'a été commandé. Donc, pour adorer Allah Azza wa Jal, il faut faire ce qu'il nous a ordonné. Pas autre chose. Que toi, tu aurais jugé bon, ou que un tel aurait jugé bon. Puis l'auteur a cité un second verset. وَقَوْلُهُ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرُ. Donc Allah dit, son attraction, accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Accomplis la prière pour ton Seigneur et sacrifie. Fasalli alfa lissababiyya atifatun ala qawl inna a'tayna kal kawthar. Donc, prie donc pour ton Seigneur et sacrifie. Prie donc, ça revient à quoi? Ça revient à ce qui a été cité avant. Nous t'avons donné Al-Kawthar. Du fait que nous t'avons donné Al-Kawthar, prie pour ton Seigneur et sacrifie. C'est-à-dire témoigne ta reconnaissance en mettant en pratique ces deux grandes adorations. إنا أعطيناك الكوثر أي بسبب إعطائنا لك ذلك صل لربك وانحر له شاكرا لله تعالى على هذه النعمة. Donc pour témoigner ta reconnaissance devant ce grand bienfait qu'Allah Azza wa Jal t'a accordé en te donnant El Kawthar, prie et sacrifie. El Kawthar huwa al khayr al azim. El Kawthar, c'est un bien abondant. Et parmi ce bien, nahrun fil jannah. Et parmi ce bien, un ruisseau qu'il y a au paradis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. An-nahr huwa adh-dhabh. Si ce n'est qu'on dit an-nahr pour certaines bêtes, en général. هنا أمر الله سبحانه وتعالى بالصلاة والذبح فهما إذن عبادتان فمن صرف الذبح لغير الله فهو مشرك كافر. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de prier pour lui et de sacrifier pour lui. De cela, on tire que la prière et le sacrifice sont donc des adorations. Ainsi, nous affirmons que celui qui sacrifie pour un autre qu'Allah Azza wa Jal aura accordé une adoration à un autre que lui. Il sera donc tombé dans le polythéisme majeur, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve tous. قرن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الذبح والصلاة فهما سواء في الحكم. Allah cite encore une fois le sacrifice à côté de la prière. Et ça nous montre qu'ils ont le même jugement, c'est-à-dire l'adoration. مناسبة الآية للباب دلت على أن الذبح عبادة يجب إخلاصه لله فمن صرفه لغيره فقد أشرك. L'auteur a cité ce verset sous ce chapitre, car dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous enseigne que le sacrifice est une adoration. Il nous faut donc être sincères. Il nous faut donc être sincères et le faire uniquement pour Allah Azza wa Jal, à la recherche de son agrément. Celui qui donne cette adoration à un autre qu'Allah Azza wa Jal, à un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, sera tombé dans le polythéisme. Ma yustafadu min al-aya, ce que nous pouvons tirer de ce verset, al-dhabhu li ghayrillah shirkun akbar. On tire de ce verset que celui qui égorge une bête pour un autre qu'Allah sera tombé dans le polythéisme majeur car il aura donné une adoration à un autre qu'Allah. On tire que le sacrifice fait partie des plus grandes adorations car il a été cité à côté de la prière qui a ce jugement. الذبح والصلاة أو الصلاة والذبح من أعظم ما يشكر من أعظم ما يشكر الله به على نعمه. La prière et le sacrifice font partie des meilleures actions par lesquelles nous pouvons nous montrer reconnaissants devant les bienfaits qu'Allah nous donne. C'est compris? Le sacrifice et la prière sont deux grandes adorations qui entrent dans les meilleurs moyens de se montrer reconnaissant envers Allah lorsqu'il nous donne un bienfait. Par exemple, shuri alana sujud ashukr. Comment est-ce qu'on témoigne notre reconnaissance? En ayant dans le cœur que ce bienfait émane d'Allah. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. En louant Allah tabaraka wa ta'ala pour ses bienfaits. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Tu dis Alhamdulillah. Et tu cites les bienfaits qu'Allah t'a donnés. Mais aussi avec tes membres, en utilisant les bienfaits d'Allah dans son obéissance et en augmentant les adorations. Allah nous a légiféré lorsqu'il nous donne un bienfait de tomber prosterné pour lui, subhanahu wa ta'ala. De tomber prosterné. Tasjoud lillah. Tasjoud lillah. Par exemple, tu apprends que ton épouse est enceinte. Tasjoud lillah. Je te prosterne pour Allah Azza wa Jal devant ce grand bienfait qu'Allah t'a donné et qu'il n'a pas accordé à beaucoup d'autres. Tu as fini d'apprendre une sourate du Coran. Tasjoud lillah. Tu as réussi à faire une adoration. Tasjoud lillah. Tu as appris ce qu'est le tawhid. Tasjoud lillah. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Aussi, le fait de prier des prières surrogatoires. Allah Azza wa Jal te donne un bienfait. Pour témoigner ta reconnaissance, tu fais 2 raka'a. Ou 4, ou 6. Tu te lèves dans la nuit, tu pries. Une autre manière de te montrer reconnaissant, tu vas à la ferme, tu achètes une bête et tu l'égorges pour Allah subhanahu wa ta'ala. Un mouton ou bien autre. Mais certains savants ont cité que ça doit entrer dans Bahimatul An'am pour faire al-dhabh qui est taqarrub il Allah azza wa jal. Tu ne pourras pas le faire avec un poulet. Mais tu devras le faire avec les bêtes qui sont plus hautes, plus grandes que cela, comme un agneau, un mouton, un bœuf et autres. Donc, de dépenser de son argent pour acheter une bête et l'égorger pour Allah Azza wa Jal, c'est une grande adoration par laquelle tu témoignes ta reconnaissance. Et de prier des prières surrogatoires également. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit dans le même contexte wa kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kathira as-salati wa adh-dhabh. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faisait beaucoup de prières surrogatoires et égorgeait beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala. Lors du pèlerinage, il a égorgé combien de bêtes? Fi hajjati al-wada'a. 100. Vous n'avez pas eu assez de patience pour attendre que le frère finisse. Ghafarallahu lakuma. Répète à Ibrahim, hafizakallah. Jazakallahu khayran. Jawabun. Sawabun. Mufassalun. Ma alayhi mazid. Le frère a répondu parfaitement. Et a parfaitement détaillé. Comme il a dit, sans se tromper, malgré ce qu'ont pu croire nos deux frères, sans bête. Sans bête. Mais il en a égorgé de sa propre main, répète Ibrahim, 63. D'accord ? وَوَكَّلَ عَلِيًّا فِي ذَبْحِ الْبَاقِي. Et il a chargé Ali du reste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ça lors de son pèlerinage d'adieu. Il en a gorgé combien? 63. Et il est décédé à quel âge? 63. Certains savants disent que c'est comme s'il y avait un signe dans cela. Barakallahu fikum. Al-Shahid. Tout ça pour dire qu'il égorgeait beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala. Certains savants ont dit, si je ne me trompe pas, Ibn Taymiyyah également, vous me corrigez. قَرَنَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالذَّبْحِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ أَعْظَمُ الْأَعْمَالِ بِالْجَوَارِحِ وَالذَّبْحِ الْأَعْمَالِ الْمَالِيَّةِ. Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cité ensemble plusieurs fois la prière et le sacrifice, car la prière est la plus grande action que nous pouvons faire avec nos membres. Et le sacrifice avec notre argent. Avec notre argent. Après la zakat obligatoire. Ensuite, l'auteur a cité un hadith. Le hadith d'Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu, an Ali radiallahu anhu, قال, حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات لعن الله من ذبح لغير الله وهو الشاهد لعن الله من لعن والديه لعن الله من آوى محدثا لعن الله من غير منار الأرض رواه مسلم حديث عظيم سبحان الله Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu dit, le messager d'Allah, ou bien le messager d'Allah m'a dit quatre paroles. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, m'a dit quatre paroles. Al-kalimat, jam'u kalima, tutlaq, fi lughat al-arab, ala al-jumlat al-mufida. ليس المقصود ما نرى في مقدمات كتب النحو يعني لفظ له معنى donc الكلمات ici ce qui est voulu ce n'est pas ce qui est cité dans les livres de grammaire c'est un mot qui a un sens mais ce qui est voulu par الكلمات c'est ce qui est connu chez les arabes c'est-à-dire il m'a informé de quatre choses il m'a informé de quatre choses. Des phrases complètes. قال ابن تيمية ليس المراد أو قال ابن تيمية رحمه الله تعالى وهذا بإجماع بالإجماع يعني كالكلمة quand on le cite عند الإطلاق chez les Arabes c'est la jumla المفيدة. J'ai un doute sur la parole exacte d'Ibn Taymiyyah, je reverrai cela, incha'Allahu ta'ala. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La'an Allah man dhabaha li ghayrillah. Qu'Allah maudisse celui qui égorge une bête pour un autre qu'Allah. Al-la'ana الطرد والإبعاد عن رحمة الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله تبارك وتعالى Lorsqu'on dit qu'Allah maudit telle personne, que signifie cette parole? C'est-à-dire qu'Allah l'éloigne et l'exclut de sa miséricorde. Donc, la'natullah ala fulan, ça veut dire, Ya Allah, éloigne-le et bannis-le de ta miséricorde, exclus-le de ta miséricorde, et fais qu'il soit loin de ta miséricorde. وَالْجُمْلَ خَبَرِيَّةِ وَيَحْتَمِلْ وَتَحْتَمِلْ أَنْ تَكُونَ خَبَرِيَّةِ أَوْ إِنْشَائِيَّةِ بِلَفْذِ الْخَبَرِ أي إما الدعاء أي اللهم العن من ذبح لغير الله أو إخبار بما Donc lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dit Allah a maudit celui qui immole, qui égorge une bête pour autre qu'Allah. Soit c'est une information, soit c'est une dua, c'est une demande. Il demande à Allah azza wa jal de maudire celui qui égorge pour un autre que lui. Man dhabaha li ghayrillah, celui qui égorge pour un autre qu'Allah. Qu'il égorge pour une amada, qu'il égorge, ou quelle que soit la chose égorgée. Qu'il égorge une vache, un mouton, un coq, et quelle que soit la personne visée par ce sacrifice. Un homme, une pierre, un arbre, un djinn, un prophète. Tout cela entre dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah maudit. Celui qui égorge par un autre qu'Allah. Et pour cette phrase, l'auteur a cité ce hadith dans, sous ce chapitre. C'est là. Ouais. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali, La'an Allahu man la'ana walidayhi. Qu'Allah maudisse, ou bien Allah a maudit celui qui maudit ses parents. Qu'Allah maudisse, ou bien Allah a maudit celui qui maudit ses parents. Al-ab wal-um wa in ala. Donc là, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'arrière-grand-père, tout cela entre eux dans le hadith. Wa sawa'an bashara al-la'n aw tasabbaba fi la'nihima. Que l'enfant directement maudisse ses parents entre dans le hadith. Et s'il est la cause qu'autre que lui maudisse ses parents, il entre également dans le hadith. Certains savants même disent Al-la'n, ou des gens de science ont dit Al-la'n. Maudire, c'est pas que dire la parole La'natullah. Hein? Mais Al-shatm, de les insulter, de les dénigrer et autres, et ceux qui entrent dans sous cela. Et donc, que la personne fasse ce grand péché directement, ou bien qu'elle soit la cause qu'on insulte ses parents, qu'on maudisse ses parents. Car dans un hadith, le hadith de Abdullah ibn Amr, عند al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna min akbaril kabair an yal'ana ar-rajulu walidayn » Parmi les pires péchés, les plus grands péchés, que la personne maudisse ses parents. « Faqil, ya Rasulallah » Alors les compagnons se sont étonnés de cela et ont dit au messager d'Allah, mais est-ce qu'un homme peut maudire ses parents? Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, yasubbu aba ar-rajuli fa yasubbu abah wa yasubbu ummah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes, en insultant le père de quelqu'un, cette personne se met à insulter son père et insulter sa mère. Par exemple, deux personnes se disputent. Le premier se met à insulter le père ou la mère de la personne. Et ce dernier se met à lui aussi insulter ses parents. Ben, il rentre dans le hadith. Il rentre dans le hadith. Car il aura été la cause qu'on parle en mal de ses parents. Il aura été la cause qu'on parle en mal de ses parents. Des textes, lorsqu'on les cite, on pense à des situations graves qu'on entend autour de nous. Des parents qui viennent nous voir en larmes. Pourquoi? Parce que celui qu'ils ont élevé depuis tout petit, ou celle qu'ils ont élevée depuis tout petit, ou celle et celui qui a été porté dans un ventre durant 6 mois, 8 mois, 9 mois, puis a été allaité pendant 2 années, puis on a supporté cette difficulté et on a dépensé pour lui. Au final, au lieu de se montrer reconnaissant envers ses parents, comme Allah leur donne dans le Coran, « Anishkur li wa li walidayka ilayya al-masir » À la place de cela, qu'est-ce qu'il fait? Il élève la voix sur ses parents. Il dénigre et rabaisse ses parents. Il cause du souci à ses parents. Il fait pleurer ses parents. Il insulte ses parents. Et certains, parmi ceux qui entrent dans ce hadith, osent même lever les mains sur leurs parents. Et qui aurait pu croire qu'un enfant qui a été élevé de nombreuses années pourrait finir ainsi? Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et ne pensez pas que cela, ou que ce que je viens de décrire, entre dans les actions de ceux qui ne font pas la prière, ou ceux qui ne viennent pas à la mosquée, ou ceux qui n'ont connu l'islam que très tard. Non, mais on parle de gens qui ont été élevés dans des familles musulmanes, des gens qui ont la même couleur que nous, les mêmes bases que nous, et ils font pleurer leurs parents. Ben qu'ils sachent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maudit ceux qui ont ces caractéristiques. Wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Wa babu at-tawba maftouh. Et la porte du repentir est grande ouverte. La porte du repentir, tant que nous sommes en vie, est ouverte. Et tant que le soleil ne se lève pas de l'autre côté. Il nous faut donc nous repentir de ces manquements envers nos parents, leur demander pardon pour nos manquements, et ne pas chercher d'excuses, ils font ceci, ils font cela. C'est une place qu'Allah Azza wa Jalla a accordée aux personnes âgées. C'est une place qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a accordée aux parents. Ta'ziman lillah. Donc par respect envers Allah Azza wa Jalla et soumission devant ton Seigneur, tu dois considérer ses parents et leur accorder cette grande place. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « La'ana Allahu man awa muhditha » Qu'Allah maudisse celui qui donne refuge à un criminel ou bien à un innovateur. « L'ihdath yashmal l'ihdath fi d-din, al-bida' wa l'ihdath fi l'amr, dinayat, ma fi had, kal-qatl » Si Allah, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dit qu'Allah maudisse le criminel, c'est-à-dire celui qui a commis un meurtre ou bien autre chose, grave, ou bien celui qui a innové dans la religion d'Allah, qui a ramené une nouveauté. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam maudit celui qui les accueille et leur accorde le refuge et les défend, les protège et les cache, que dire alors de l'innovateur lui-même? Que dire alors de l'innovateur lui-même et du criminel lui-même? Subhanallah. Combien sont ceux qui défendent les criminels? Combien sont ceux qui défendent les innovateurs? Combien sont ceux qui fréquentent les innovateurs et qui détestent ceux qui parlent sur l'innovation et les innovateurs? Alors qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah maudisse celui qui donne refuge à un innovateur. Subhanallah. فَنَسْأَلُ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنْ يُرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَيَرْزُقَنَا اتِّبَاعَهُ وَأَنْ يُرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَيَرْزُقَنَا اجْتِنَابَهُ. Il finit en disant لَعَنَ اللَّهَ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ. Qu'Allah maudisse celui qui change les délimitations de la terre. Toi tu as une terre, ton voisin a une terre, il y a des limites. Le prophète sallam dit, si tu changes les limites, par exemple, il part en vacances, tu triches, tu changes pour agrandir ta terre. Ben, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que cette personne-là, Allah l'a maudite.